Le sang des filles Noël par André Theuriet. Chapitre 1er. Une belle après-midi d'octobre. Les maisons de campagne qui bordent la rampe du cœur volant à Marly étaient baignées d'une opulente lumière. Aussi l'une d'elles avait-elle ouvert toutes ses fenêtres, comme pour profiter plus amplement de ces dernières flambées du soleil d'automne. Des matelas et des draps, entassés sur les barreaux décroisés du rez-de-chaussée, pendaient au dehors, tandis que les portes intérieures, également ouvertes à deux battants, indiquaient clairement l'intention d'aérer à fond l'appartement après le récent départ de quelqu'un. Une jeune fille vêtue de noir se tenait dans l'une des pièces du premier. On avait de là une vue très étendue sur les terrains et les massifs mélancoliques du parc de Marly, sur le village en amphithéâtre et sur les hautes futaies d'un roux violet qui le couronne. Un tapage de notes joyeuses s'harmonisait avec la riche lumière et les éclatantes couleurs automnales. Cris d'enfants ramassant des châtaignes sous bois, martèlement sonore sur les douves des tonneaux, cliquetis retentissants de chaînes dans les futailles nettoyées pour la vendange. Mais ces réveillantes rumeurs de la vie campagnarde et ces lumineux sourires des derniers beaux jours laissaient complètement indifférente la jeune fille à la robe noire. Assise au bord d'une chauffeuse, les coudes posant sur un guéridon et les mains enfoncées dans ses cheveux, dont les boucles épaisses tombaient librement sur ses épaules, elle était violemment secouée par l'explosion d'une de ces douleurs qui s'épanche franchement, un âge où la source des larmes a encore toute son abondante fécondité. Ses joues étaient ruisselantes, sa poitrine déjà formée était soulevée à chaque instant par de brusques soubresauts. Elle paraissait avoir 16 ans, et autant qu'on en pouvait juger à travers ses larmes, elle était jolie. Très blanche, avec des cheveux noirs moutonnants et frisés, elle avait des yeux renfoncés d'un vert sombre sous de longs sourcils qui se rejoignaient presque. La bouche un peu grande était d'un rouge vif, et sur l'une des joues un signe noir accentuait le caractère énergique de cette tête d'adolescente. Au plus fort de ses sanglots, deux coups discrets répétés une seconde fois plus discrètement encore résonnèrent à la porte. Elle tourna la tête, et au même moment, quelqu'un entra en s'excusant et en saluant. À travers ses pleurs, elle reconnut Maître Duménil, le notaire de Marly. C'était un petit homme à la mine fleurie, aimable et circonspect, scrupuleusement vêtu de noir et cravaté de blanc. « Je vous demande pardon de vous déranger dans un moment pareil, mademoiselle aimée, » murmura-t-il en s'inclinant de nouveau. Elle réprima un mouvement d'impatience, essuya ses yeux et sans parler, il y avait encore trop de sanglots dans sa gorge, elle lui fit signe de s'asseoir. Le notaire obéit, toussa d'un air un peu embarrassé, et posant son chapeau sur un meuble, « Mademoiselle, » commença-t-il d'une voix mouillée et compatissante, « mon honorable et regretté client, M. de Rouvre, que nous venons d'avoir le chagrin de conduire à sa dernière demeure. » Ce début réveilla la douleur de la jeune fille et elle se remit à pleurer. « Pardon, mademoiselle, » reprit le notaire. Je suis profondément confus de venir vous parler d'affaires à une heure aussi intempestive. Mais il est de mon devoir de vous éclairer sur votre situation actuelle. Monsieur de Rouvre était votre père. » Il s'arrêta, ravala l'épithète juridique que lui avait d'abord suggéré la pratique du code civil et, rougissant, il ajouta « adoptif ». « Oui, monsieur, » répondit-elle. « Il m'avait recueilli après la mort de ma mère il y a 8 ans. Il était si bon et il m'aimait tant. Et songez, en moins d'un jour il était enlevé et que je ne le verrai plus. » Les larmes coulèrent de nouveau, violemment. « Assurément, » dit le notaire, en tortillant ses gants noirs, « le coup a été brusque. Nous avions encore fait le whist ensemble il y a 3 jours. Ces affections du cœur sont vraiment effrayantes. » Monsieur de Rouvre était loin de se croire si près de sa fin, et il n'avait pas mis ordre à ses affaires. Il est mort sans testament. Elle souleva légèrement les épaules et regarda le notaire. Ses paupières allongées, presque closes, ne laissaient voir que par une ligne étroite son regard humide, et ce regard semblait dire au notaire « Que m'importe ?» Maître Duménil hocha la tête et répondant à cette interrogation muette « C'est grave, mademoiselle aimée, très grave, en ce qui touche vos intérêts. Le défunt m'avait manifesté l'intention de vous adopter légalement. La mort ne le lui a pas permis, et comme il est mort intestat, la totalité de sa fortune se trouve dévolue à ses héritiers légitimes, représentés par des cousins de province. « Je ne sais si je me suis fait comprendre, » ajouta-t-il, en voyant que la jeune fille ne sourciait pas. « Aux yeux de la loi, vous êtes pour le défunt une étrangère, et ses héritiers sont maîtres de tout ce qui est ici. »« Ah ! » murmura-t-elle. Elle venait de discerner la vérité brutale à travers la phraséologie professionnelle du notaire. Elle resta un moment silencieuse, contempla la petite chambre luxueusement meublée, et par la fenêtre, le coteau de Marly plein de soleil. Ses yeux se mouillèrent. « De sorte, » reprit-elle, « qu'ils vont me chasser d'ici. » Le notaire commençait à se sentir touché à travers son enveloppe officielle. « Vous voyez les choses trop en noir, » répondit-il. « Le juge de paix et le greffier vont venir seulement poser les scellés. Les parents étaient prévenus et ils arriveront sans doute au premier jour. J'aime à me persuader qu'ils se montreront convenables avec vous. Mais je crains, j'ai des raisons de craindre. » Elle se leva brusquement et un éclair brilla entre ses paupières demi-fermées. « Ne craignez rien, » répliqua-t-elle. « Si je suis maintenant une étrangère ici, eux aussi me sont étrangers, et je ne veux rien leur devoir. Je partirai, je travaillerai pour vivre. » Le notaire la regarda stupéfait. « Ma chère demoiselle, vous avez 16 ans, et ce n'est pas à cet âge-là qu'une jeune fille peut courir seule le monde. Et puis une femme ne trouve pas facilement à gagner sa vie. Vous parlez de travailler, mais quel genre de travail comptez-vous entreprendre ?» Elle baissa la tête, se rassit, croisa ses mains sur ses genoux et balbutia décontenancée. « Je ne sais pas, mais j'essaierai, je chercherai. » Et en attendant, objecta le notaire. Elle éboucha un geste d'incertitude et de découragement. Ses lèvres se crispèrent et son désespoir éclata de nouveau. « Votre mère n'était-elle pas actrice au théâtre historique ?» Elle fit un signe affirmatif. « Quel était son nom, son vrai nom de famille ?»« Coralie. Coralie Chenu. » répondit-elle entre deux sanglots. Où était-elle née? Dans un village de la Haute-Marne qui s'appelait, attendez, Aubrive. Oui, nous y avons même encore des parents. Du moins ma mère me parlait de deux sœurs qu'elle avait laissées là-bas. Le petit homme prenait des notes sur son carnet. Chenu, dites-vous, murmura-t-il en griffonnant. Aubrive, Haute-Marne. Bien. J'écrirai pour savoir si vos tantes vivent encore et si elles peuvent veiller sur vous. La jeune fille le regardait avec des yeux effarés. « Rassurez-vous, ma chère demoiselle, » continua-t-il en empochant son carnet. « Ayez confiance. Je ferai ce qui dépendra de moi pour concilier les exigences professionnelles avec l'estime affectueuse que je vous porte. Je vous présente mes devoirs, mademoiselle. » Il prit son chapeau, s'inclina et sortit. Aimée se retrouva dans sa solitude désolée. Celui qu'elle appelait son père, Honoré de Rouvre, était depuis le matin seulement couchée dans le cimetière de Marly, et déjà elle sentait les dures conséquences de cette mort si soudaine. Elle se trouvait sans un ami au monde. Depuis longtemps, le défunt avait rompu avec toutes ses relations. La société de cet enfant lui suffisait. Aimé n'avait autour d'elle que des domestiques, et ceux-ci, flairant déjà probablement un changement de maître, ne songeaient qu'à tirer leur épingle du jeu et à chercher du service ailleurs. Il ne restait à la jeune fille que la ressource vague de cette parenté inconnue, évoquée par le notaire, et cette seule perspective lui donnait le frisson. Sa pensée, ramenée brusquement après 8 années vers ses parentes de province, s'essayait à ressaisir les impressions confuses que lui avaient laissées certaines conversations de sa mère. Mademoiselle Coralie, dans les rares heures reposées de sa vie de théâtre, aimait à parler de son village enfui au fond des grandes forêts de la Haute-Marne. Elle n'avait gardé de ses sœurs qu'un souvenir maussade, mais elle s'appesantissait davantage sur les plaisirs de son enfance villageoise, les courses vagabondes dans les prés ou à travers les bois. De ces bribes de conversation, il était resté à aimer un goût mystérieux pour la nature forestière. Quand elle se promenait avec M. de Rouvre dans les mélancoliques avenues des bois de Marly, il lui semblait qu'elle retrouvait des sensations déjà éprouvées. La rumeur lointaine des cogniers, le bruit mat des châtaignes tombant sur la mousse, la réjouissait comme des sons familiers déjà entendus dans une vie antérieure. Elle restait accoudée au guéridon, songeant au mort qui avait été son seul ami, repensant sa mère, qu'elle allait voir parfois se costumer en reine dans sa loge. Elle mêlait ses regrets à ses souvenirs du temps jadis, à ses appréhensions du lendemain. Ses larmes s'étaient peu à peu séchées, et ses yeux erraient vaguement dans la direction de la fenêtre ouverte. Le soir tombait, Les bruits s'apaisaient, sauf un clapotement d'eau causé par le piétinement des chevaux dans l'abreuvoir. Les fumées bleues planaient au-dessus des toits. Ça et là, une lumière étoilait une vitre et scintillait entre les arbres. Aimé songeait aux maisons de vignerons, où les enfants, en rentrant, retrouvaient une famille et un chez-eux. Peu à peu, il fit tout à fait nuit. Les étoiles se reflétèrent dans l'eau de l'abreuvoir. Et une femme de chambre se décida enfin à venir voir si mademoiselle voulait descendre pour dîner. 8 jours après, les héritiers arrivèrent. La mort du parent qu'ils avaient à peine connu leur laissait peu de regrets. Le cousin était un propriétaire poitevin, ombrageux et têtu comme les mules de son pays. La cousine, femme d'un conseiller à la cour de Poitiers, était sèche, austère et positive. Maître Duménil était allé les recevoir à la descente de l'omnibus. « Mon cousin, lui demanda la conseillère, n'avait-il pas une enfant naturelle ?»« Oui, madame, elle est ici. » Monsieur de Rouvre l'aimait beaucoup, bien qu'il ne l'eût pas reconnue, et il songeait à l'adopter quand la mort l'a surpris. « Dieu lui a évité de mettre un nouveau scandale dans sa vie, » soupira la bonne dame. « N'a-t-il fait aucune disposition en faveur de cette demoiselle ?»« Aucune, bien qu'il en eût l'intention. » Mais peut-être, madame, trouverez-vous convenable, ainsi que monsieur votre cousin, d'exécuter cette volonté tacite, dans une certaine mesure ? Non, assurément, répliqua la dame. La mère a déjà assez troublé nos relations de famille, sans que nous ayons à nous inquiéter de la fille. Je suppose qu'elle ne compte pas rester ici. Rassurez-vous, madame, dit froidement le notaire. Elle rejoindra sous peu des parentes qui se trouveront heureuses de lui offrir l'hospitalité. C'est parfait. Annoncez-lui que nous consentons à ce qu'elle emporte les objets à son usage personnel et veuillez vous charger de ses frais de voyage. Nous vous les rembourserons sur la succession, n'est-ce pas, mon cousin ? Le poitevin fit une grimace affirmative. Mais, continua la conseillère, faites comprendre à cette personne qu'elle doit quitter la maison le plus tôt possible. Nous ne pouvons pas décemment loger sous le même toit que la fille d'une créature. Le petit notaire s'éloigna fort choqué de cette rigidité provinciale. Il monta chez Aimé et la prévint de l'arrivée des héritiers. « Vos tantes, ajouta-t-il, habitent toujours au Brive, où l'une d'elles est receveuse des postes. Je leur ai écrit et elles m'ont répondu qu'elles étaient prêtes à vous faire accueil. Voici la lettre. Vous partirez dans quelques jours. Prenez votre temps, mademoiselle Aimé. Mais comme il vous serait désagréable de vous rencontrer avec les personnes qui sont en bas, ma femme sera heureuse de vous recevoir chez elle dès aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien et reposez-vous sur moi. » Les sanglots étouffaient Aimé. Elle prit machinalement la lettre que lui tendait le notaire et la froissa dans ses doigts sans la lire. Elle avait saisi la main de maître Duménil et la pressait vivement sans parler, tandis que le petit notaire était tout étonné de sentir ses yeux devenir moites et sa gorge se serrer sous le nœud correct de sa cravate blanche.